Azakata Lili one makagrave Ma eliki na oya Geneva Ah Robert Batende Ito kwa kusika Eko ni motote Sika rote Na yedi olingi Ovala na yubayi Ope tamotima Ope tamotima Junior qui sens dit la force tranquille, Roger Zabaliti. Princesse Mambo, colonel Ipata. La Luanda, Colibila. kalambai. Le distributeur automatique Ajungoma SFR. Sambalé John passe pour la stabilité. Sam Bengombe, leader et apprécié un mot. Le grand lagué. Un parisien qui se respecte. Des vieux monnaies, chef Magina. Sandou Poti.